quels ont été aussi les clubs qui ont été discrédités, et puis quelle appartenance sociale et les clubs aujourd'hui, quels sont les clubs aujourd'hui. Je tenais à dire aussi que l'ensemble de la table 5 s'est posé la question de qui était Gilets jaunes, où en étaient les Gilets jaunes, et du coup, personne n'était Gilets jaunes, tout le monde était sensible et sensibilisé par les Gilets jaunes, et donc il y avait quelque chose de l'ordre d'une définition, quoi. Qu'est-ce que c'était, voilà. Donc il y a, non mais dans notre, à notre table, tu montes ton gilet, mais la table 5, là, il se trouve que c'était ça. Donc c'est très intéressant cette question d'identité, qui est quoi et qui est quoi, voilà. Ensuite, distinction entre club informel et club plus politisé. On se posait cette question-là sur voilà. Vous me dites, hein, les copains, là, parce que en plus, j'ai pas mes lunettes, je vous dis pas. Et puis la question du représentant aussi dans les clubs, voilà, c'est ça. Ouais, puis à propos du tissage aussi, l'articulation entre les mouvements Gilets jaunes et puis les différents lieux où il y a des protestations, où il y a du travail qui a été fait, en particulier on pensait aux syndicats. Voilà, est-ce que ça se fait, ce tissage, ou pas, et comment travail, et aussi la question, effectivement, du monde du travail, tu es complète. Oui, et par rapport au club, en fait, on faisait aussi le lien. Enfin, là, en fait, en 48, c'était à Paris. Mais là, en fait, avec les Gilets jaunes, c'est pas à Paris. On discutait qu'en fait, c'est vachement difficile d'organiser ça, pas seulement à Paris, mais aussi dans toute l'Île-de-France, dans toutes les banlieues. En fait, ce lien-là, ces clubs-là, ils sont durs à mettre en place, alors qu'en province ou dans d'autres régions de France, ça s'est mis facilement. Et du coup, on se dit, ce parallèle-là, il n'est pas si évident aujourd'hui. Nous, on était le groupe 2. Et alors, on avait les mêmes questions sur qu'est-ce qui avait constitué à l'époque, en 1848, les clubs, parce qu'il y avait cette idée que c'était différent, enfin que sur certaines choses, ils arrivaient à s'organiser avec les ouvriers et à d'autres moments, non. Alors, on s'est posé la question de qu'est-ce qui n'a pas matché avec les organisations ouvrières. Ça revient un peu aussi à maintenant, c'est quoi le lien entre les Gilets jaunes et les syndicats, parce qu'il y a aussi quelque chose qui ne marche pas. Donc, on se posait la question de finalement comment... Enfin, on faisait un peu des allers-retours entre le passé et le présent. Là, c'est qui les clubs là, en ce moment, c'est qui les clubs de Gilets jaunes? Parce que donc, il y a le club de Montreuil. On se demandait, il y a le club peut-être de Belleville. Apparemment, il y avait des gens à Toulouse qui avaient dit qu'ils se mettaient en club. Est-ce qu'il y a des clubs à Commercy? Donc, c'était un peu de voir sur quelle base les gens se réunissent. Voilà, il y a eu un peu des questions sur par rapport à l'intervention de la semaine dernière de Sophie Vaniche, il y avait des clubs de Bretons, mais qui se réunissaient pas que parce que le fait qu'ils étaient Bretons, mais aussi pour des affinités politiques. Et donc on s'est un peu posé la question de finalement pourquoi on se réunit, qu'est-ce qu'on partage ensemble, est-ce que les clubs c'est des espaces d'auto-formation? Est-ce que c'est des espaces de... est-ce que sur Internet, il y a des clubs? Est-ce que les groupes d'échange sur Internet, c'est des clubs? Est-ce que sur les ronds-points, c'est des clubs? Est-ce que les clubs, ce n'est pas des moments différents que les assemblées ou que les manifs, les moments d'action? Aussi, dans les échanges qu'on a eus, c'est qu'est-ce que ça nous évoque le mot club? Et c'était très différent dans le groupe. Alors, il y avait des personnes à qui directement ça évoquait les clubs révolutionnaires de 1789. Pour d'autres, ça faisait un truc un peu élitiste, genre le Rotary Club, avec les espèces de gens de la bonne. Enfin, qui sont bien importants, tout ça, qui se regroupent entre eux. On avait aussi l'idée que ça faisait plutôt penser à des clubs de sport, genre club de foot. Et voilà, donc ça, pour chaque personne du groupe, ça évoquait des choses très différentes. Voilà, on se disait qu'est-ce qu'on pouvait s'inspirer d'expériences historiques sur comment il y avait des personnes qui faisaient la navette de club en club pour partager des idées. Ça, c'était des choses qui avaient été présentées des expériences de 1789. aussi, il y avait un peu des réflexions sur comment est-ce que le club, ça serait comme une espèce de structure de base du mouvement Gilets jaunes. Enfin, bon, c'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être c'est pas ça qui a été dit, mais ou est-ce que finalement le club, c'est on va ensemble en manif. Enfin, est-ce que c'est une espèce de cellule de base de des gens qui vont ensemble en manif, qui partent ensemble du point fixe de Montreuil. Et voilà, de se poser la question de sur quelle base on va ensemble en manif. En fait, on a voilà. Bon, comme c'est pas le point de la manif, on va en parler tout de suite. Mais j'essaie de voir si dans les notes il y a d'autres trucs qui ont été dit sur les clubs. Non, mais à peu près tout a été dit. Après, on s'était dit aussi que c'était un lieu qui pouvait être des transmissions de compétences et d'outils et de connaissances. Et un moment de création de pensée et d'évolution de point de vue, et avec la question de comment valoriser aussi ce qui est fait et la possibilité de production de textes à chaque club. Et ce qu'on s'était dit aussi, c'est qu'au moment où ça s'est arrêté, c'est pas qu'on commençait à peine, mais on aurait pu encore parler une heure ou une bonne heure, donc on s'est dit ça aussi. Nous, on s'est rendu compte finalement à la fin de notre conversation que le club et les assemblées comme peut avoir lieu ici, c'était essentiellement une réponse à l'atomisation qu'on vit dans notre quotidiennité. On a clairement une volonté de participer au mouvement. Mais on sent aussi qu'on est isolé, on est esselé, et c'est des espaces qui permettent finalement de trouver une camaraderie à travers laquelle on se sent soutenu, on se sent participer au mouvement dans lequel on peut vivre. Il y a beaucoup d'entre nous autour de la table qui participent aux manifestations, mais ils participent soit seuls, soit avec quelques personnes avec qui ils ont un lien affectif, d'amitié. Et ces lieux-là, comme ce soir, ça peut générer autre chose qu'un simple affectif qui repose sur des passions communes, mais sur des liens d'idées, sur une camaraderie qui pourra être exploitée par la suite, et plus précisément, ça peut se matérialiser dès demain dans la manif où on s'est dit que ben voilà, on sera ensemble, et parce que habituellement on participait plus ou moins seul, et ça générait une frustration assez forte. Juste pour compléter sur un autre point, on s'est posé la question de l'outil numérique dans ces clubs, et notamment dans le tissage entre ces différents clubs. Et il y avait ce qu'on en a tiré un peu, c'est l'importance de cet outil-là pour la circulation de l'information, que c'était un outil très fort. On l'a vu par exemple sur tout ce qui est répression, ou sur les nombreux textes qui ont circulé sur les différentes, sur le RIC ou sur des choses comme ça, qui permettent d'avoir accès très facilement à de la connaissance. Et à la fois, ce qui a été mis, c'est l'importance de la présence collective, du contact physique, pour sentir sa force, que ce soit sur les ronds-points ou dans ces clubs-là, et justement pour recréer le lien dont parlait mon collègue juste avant. Ce qu'on trouvait intéressant aussi, c'est qu'on a, en fait, on s'est rendu compte que les clubs, ça pouvait très vite être étendu comme une espèce de métaphore, c'est-à-dire à tous les espaces qui permettent le rassemblement des gens en présentiel, et justement à la création du lien dont parlaient les camarades tout à l'heure. Et c'était aussi un espace où, dans les clubs, en fait, on pouvait construire des choses, proposer des choses. Donc ça renvoie un petit peu à ce qui se passait en 1848, mais surtout les construire en dehors du système et des institutions qui ont été établies comme les pouvoirs dominants. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant, parce que c'était vraiment un espace alternatif, ou enfin plus ou moins alternatif, il y a toujours, bien sûr, enfin faut toujours nuancer un petit peu ce propos, mais qui permettait vraiment de faire des choses, de proposer des choses en dehors de ce qui était déjà construit, ce qui était institutionnalisé. Moi, c'est juste pour dire qu'il y a aussi une femme du groupe qui parle. Voilà. Et enfin, on n'a pas parlé de ça, mais c'était juste aussi pour dire que dans notre groupe, on venait un peu de partout. Enfin, pas d'ailleurs de trop loin, mais de Montreuil, de Paris, et de Paris de plusieurs arrondissements. Et du coup, ça pose aussi... on ne s'est pas posé la question, mais du coup, je trouve que ça pose la question de l'avenir des... Pas des cercles, mais des clubs, si on est éclaté comme ça, et de la relocalisation des clubs. Voilà. Moi, je voudrais, sur les clubs, je voudrais juste une petite information et peut-être un petit développement. Parce que nous sommes en train de parler de clubs populaires, mais je vous signale quand même qu'il y a un grand nombre de think tanks, il me semble, de nos grands bourgeois français, médiatiques, etc., qui conseillent le prince, le roi, l'empereur bien. Donc peut-être que nos clubs à nous pourraient conseiller le roi, le prince et je ne sais pas quoi. Merci. Bah, je réagis juste du coup pour des informations historiques sur 48, c'est quoi ces clubs, d'où ils viennent, et surtout de la question de pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec les ouvriers, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Alors en gros, les clubs en 48, on a l'impression qu'ils naissent très spontanément dans les jours et semaines qui suivent la Révolution, mais souvent c'est des clubs qui sont faits à partir de choses qui existaient déjà. Et c'est pour ça que c'est très hétéroclite, parce qu'il y a plein de clubs qui en fait viennent par exemple des comités électoraux, donc bourgeois, puisque les prolétaires étaient privés du droit de suffrage. Hein, il y avait 200 000 votants à peu près avant 48, on passe à 9 millions, donc ça fait quand même l'immense majorité, sans compter que les femmes étaient exclues, et l'immense majorité des hommes étaient exclus. Donc il y a des clubs qui en fait viennent de l'ouverture de clubs électoraux. Il y a des clubs qui viennent beaucoup des étudiants, donc la jeunesse des écoles. Hein, c'est des groupes d'étudiants qui décident de faire un club au départ à partir de leur sociabilité immédiate. Il y a beaucoup de clubs d'étrangers qui avaient déjà des sociabilités. Donc il y a des clubs d'Allemands, etc., qui se connaissaient et qui se mettent en club. Donc en fait, tout devient club dans la situation révolutionnaire. Ça qui est assez pertinent, qui est assez frappant, c'est que plein de rapports de sociabilité peuvent se transformer en club. Et bien, il y a une chose, un endroit où ce n'est pas le cas, c'est sur les relations de travail. Pour beaucoup de raisons, mais notamment parce que le monde urbain est, à Paris, très majoritairement organisé en métiers. C'est un monde où les ouvriers à Paris ont des conditions qu'on qualifierait, nous, peut-être plutôt d'artisanales. Il faut bien voir qu'à ce moment-là, il y a 3 millions d'ouvriers en France. Ils sont répartis dans plus d'un million d'entreprises. Donc ça veut dire que la taille de l'entreprise moyenne, c'est à peine de 2 salariés. Donc, eux, ce que font les ouvriers, c'est qu'ils ne s'organisent pas en club. Ceux qui s'organisent vont massivement s'organiser dans les corps d'État, vont s'organiser par métier. C'est-à-dire que les lieux où traditionnellement ils se retrouvaient, parce que c'est interdit les corps d'État, c'est interdit les associations ouvrières à ce moment-là, mais ils se retrouvaient chez les marchands de vin et ils se retrouvaient dans les débits de boissons, qui étaient aux barrières de Paris. Et c'est beaucoup là qu'ils s'organisent. Ceci étant, ça ne veut pas dire que les clubs n'étaient pas populaires. Les gens qui allaient dans les clubs à ce moment-là, il y a vraiment de tout, y compris des ouvriers, et ils sont en très grand nombre, notamment dans les clubs qui sont faits autour de socialistes. Parce que je vous ai dit que tout fait club, mais notamment parmi ce qui fait club, il y a les écoles de penseurs socialistes qui se trouvent à faire des conférences devant des milliers de personnes, dont beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières qui étaient déjà un peu liés ou bien qui sont intéressés par ce truc-là. Mais ça ne marche pas avec les travailleurs dans beaucoup d'endroits, au sens où les travailleurs qui se sont organisés, c'est un peu aujourd'hui les syndicalistes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, ça veut dire qu'il y a déjà un lieu, il y a déjà un espace de sociabilité qui est déjà lui-même formé et politisé, qui est le syndicat, et à l'époque qui était le corps de métier. Et c'est vrai dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas vrai partout. À Belleville, par exemple, les clubs sont fortement liés aux ouvriers de métier en 48, mais dans la plupart des gens, même quand c'est populaire, disons, ça reste séparé l'organisation des clubs et l'organisation des ouvriers de métier. Et pour ce qui est de la question des think tanks et donc la question des est-ce que les bourgeois, est-ce que la droite, les réactionnaires, les conservateurs s'organisent en club ? En fait, ils utilisent plutôt les structures traditionnelles de sociabilité d'élite qu'ils ont, c'est-à-dire les salons. Regroupements souvent informels. Et par contre, comme ils ont beaucoup d'argent, ils utilisent des journaux. Ils créent des journaux réactionnaires, mais il y a peu d'organisation en club, parce qu'une des idées d'un club, c'est quand même que tout le monde peut y rentrer, que tout le monde peut venir. Et ça, l'espace de la grande bourgeoisie est par structuration opposé à cette création de clubs. C'est bien plus tard qu'ils se mettent à avoir des partis bourgeois, des partis de droite. C'est des décennies après, quand ils voient que c'est un outil de mobilisation qu'ils peuvent utiliser. Ouais, très très bref, c'était par rapport à ce qu'il disait. C'était quid parce qu'il a parlé de la province dans son exposé, quid de la province et des paysans en particulier, comment ils s'organisaient, etc. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Ouais, ça reste principalement urbain, c'est pas que parisien, mais clairement, il y a une différence énorme, quelqu'un le soulevait, hein, entre ces clubs-là en 48 qui sont une réalité urbaine, et aujourd'hui ce qui se passe, qui est un mouvement qui saisit tout le monde, et peut-être même où c'est plus facile, où il y a plus d'opportunités d'organisation dans les espaces qui sont périurbains ou qui sont ruraux, qu'à Paris. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de politisation paysanne, qu'il n'y a pas de politisation rurale, mais en fait elle se fait plutôt dans un deuxième temps et pas sous la forme de club, mais c'est aussi, alors là en 49, bon, sans vouloir rentrer dans le truc, en 1849 on a des énormes politisations, c'est l'apparition du Midi Rouge, l'apparition vraiment des campagnes rouges à ce moment-là, mais ça se fait selon une temporalité qui est différente. Mais qui n'empêche que, par exemple, quand il y a le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 51, il y a beaucoup plus de résistance dans les campagnes qu'il en a dans les villes. Donc ce n'est pas une histoire que les villes sont plus politisées. Ça veut dire que le club, par contre, est une forme qui convient bien au tissu urbain à ce moment-là, en 48.